Chapitre 7. Les maladies comme celles dont Armand avait été atteint ont cela d'agréable qu'elles tuent sur le coup ou se laissent vaincre très vite. 15 jours après les événements que je viens de raconter, Armand était en pleine convalescence et nous étions liés d'une étroite amitié. À peine si j'avais quitté sa chambre tout le temps qu'avait duré sa maladie. Le printemps avait semé à profusion ses fleurs, ses feuilles, ses oiseaux, ses chansons, et la fenêtre de mon ami s'ouvrait gaiement sur son jardin, dont les saines exhalaisons montaient jusqu'à lui. Le médecin avait permis qu'il se levât, et nous restions souvent à causer, assis auprès de la fenêtre ouverte, à l'heure où le soleil est au plus chaud, de midi à 2 heures. Je me gardais bien de l'entretenir de Marguerite, craignant toujours que ce nom ne réveillât un triste souvenir endormi sous le calme apparent du malade. Mais Armand, au contraire, semblait prendre plaisir à parler d'elle. Non plus comme autrefois, avec des larmes dans les yeux, mais avec un doux sourire qui me rassurait sur l'état de son âme. J'avais remarqué que depuis sa dernière visite au cimetière, depuis le spectacle qui avait déterminé en lui cette crise violente, la mesure de la douleur morale semblait avoir été comblée par la maladie, et que la mort de Marguerite ne lui apparaissait plus sous l'aspect du passé. Une sorte de consolation était résultée de la certitude acquise, et pour chasser l'image sombre qui se représentait souvent à lui, il s'enfonçait dans les souvenirs heureux de sa liaison avec Marguerite. Et ne semblait plus vouloir accepter que cela. Le corps était trop épuisé par l'atteinte et même par la guérison de la fièvre pour permettre à l'esprit une émotion violente. Et la joie printanière et universelle dont Armand était entouré reportait malgré lui sa pensée aux images riantes. Il s'était toujours obstinément refusé à informer sa famille du danger qu'il courait. Et lorsqu'il avait été sauvé, son père ignorait encore sa maladie. Un soir, nous étions restés à la fenêtre plus tard que de coutume. Le temps avait été magnifique, et le soleil s'endormait dans un crépuscule éclatant d'azur et d'or. Quoique nous fussions dans Paris, la verdure qui nous entourait semblait nous isoler du monde. Et à peine si de temps en temps, le bruit d'une voiture troublait notre conversation. C'est à peu près à cette époque de l'année, et le soir d'un jour comme celui-ci que je connus Marguerite, me dit Armand, écoutant ses propres pensées et non ce que je lui disais. Je ne répondis rien. Alors il se retourna vers moi et me dit « Il faut pourtant que je vous raconte cette histoire. Vous en ferez un livre, auquel on ne croira pas, mais qui sera peut-être intéressant à faire. Vous me conterez cela plus tard, mon ami, lui dis-je. Vous n'êtes pas encore assez bien rétabli. La soirée est chaude, j'ai mangé mon blanc de poulet, me dit-il en souriant. Je n'ai pas la fièvre, nous n'avons rien à faire. Je vais tout vous dire. Puisque vous le voulez absolument, j'écoute. C'est une bien simple histoire, ajouta-t-il alors, et que je vous raconterai en suivant l'ordre des événements. Si vous en faites quelque chose plus tard, libre à vous de la conter autrement. Voici ce qu'il me raconta, et c'est à peine si j'ai changé quelques mots à ce touchant récit. Oui. Reprit Armand en laissant retomber sa tête sur le dos de son fauteuil. Oui, c'était par une soirée comme celle-ci. J'avais passé ma journée à la campagne avec un de mes amis Gaston R. Le soir, nous étions revenus à Paris, et ne sachant que faire, nous étions entrés au théâtre des Variétés. Pendant un entr'acte, nous sortîmes, et dans le corridor, nous vîmes passer une grande femme que mon ami salua. « Qui saluez-vous donc là ? » lui demandai-je. « Marguerite Gautier, » me dit-il. « Il me semble qu'elle est bien changée, car je ne l'ai pas reconnue, » dis-je avec une émotion que vous comprendrez tout à l'heure. « Elle a été malade, la pauvre fille n'ira pas loin. » Je me rappelle ces paroles, comme si elles m'avaient été dites hier. « Il faut que vous sachiez, mon ami, que depuis 2 ans, la vue de cette fille lorsque je la rencontrais me causait une impression étrange. Sans que je susse pourquoi, je devenais pâle et mon cœur battait violemment. J'ai un de mes amis qui s'occupe de sciences occultes et qui appellerait ce que j'éprouvais l'affinité des fluides. Moi, je crois tout simplement que j'étais destiné à devenir amoureux de Marguerite et que je le pressentais. Toujours est-il qu'elle me causait une impression réelle, que plusieurs de mes amis en avaient été témoins, et qu'ils avaient beaucoup ri en reconnaissant de qui cette impression me venait. La première fois que je l'avais vue, c'était place de la Bourse, à la porte de Susse. Une calèche découverte y stationnait, et une femme vêtue de blanc en était descendue. Un murmure d'admiration avait accueilli son entrée dans le magasin. Quant à moi, je restais cloué à ma place, depuis le moment où elle entra jusqu'au moment où elle sortit. À travers les vitres, je la regardais choisir dans la boutique ce qu'elle venait y acheter. J'aurais pu entrer, mais je n'osais. Je ne savais quelle était cette femme, et je craignais qu'elle ne devinât la cause de mon entrée dans le magasin et ne s'en offensât. Cependant, je ne me croyais pas appelée à la revoir. Elle était élégamment vêtue. Elle portait une robe de mousseline, tout entourée de volants, un châle de l'Inde carré aux coins brodés d'or et de fleurs de soie, un chapeau de paille d'Italie, et un unique bracelet, grosse chaîne d'or dont la mode commençait à cette époque. Elle remonta dans sa calèche et partit. Un des garçons du magasin resta sur la porte, suivant des yeux la voiture de l'élégante acheteuse. Je m'approchai de lui et je le priai de me dire le nom de cette femme. « C'est mademoiselle Marguerite Gautier, » me répondit-il. Je n'osai pas lui demander l'adresse et je m'éloignai. Le souvenir de cette vision, car c'en était une véritable, ne me sortit pas de l'esprit, comme bien des visions que j'avais eues déjà, et je cherchai partout cette femme blanche si royalement belle. À quelques jours de là, une grande représentation eut lieu à l'Opéra Comique. J'y allai. La première personne que j'aperçus dans une loge d'avant-scène de la galerie fut Marguerite Gautier. Le jeune homme avec qui j'étais la reconnut aussi, car il me dit en me la nommant « Voyez donc cette jolie fille !» En ce moment, Marguerite lorgnait de notre côté. Elle aperçut mon ami, lui sourit et lui fit signe de venir lui faire visite. « Je vais lui dire bonsoir, » me dit-il, « et je reviens dans un instant. » Je ne pus m'empêcher de lui dire « Vous êtes bien heureux. » « De quoi ? D'aller voir cette femme. Est-ce que vous en êtes amoureux ?»« Non, » dis-je en rougissant, car je ne savais vraiment pas à quoi m'en tenir là-dessus. « Mais je voudrais bien la connaître. »« Venez avec moi, je vous présenterai. » Demandez-lui en d'abord la permission. « Oh, pardieu, il n'y a pas besoin de se gêner avec elle, venez. » Ce qu'il me disait là me faisait peine. Je tremblais d'acquérir la certitude que Marguerite ne méritait pas ce que j'éprouvais pour elle. Il y a dans un livre d'Alphonse Karr, intitulé « Amrochen », un homme qui suit, le soir, une femme très élégante, et dont, à la première vue, il est devenu amoureux, tant elle est belle. Pour baiser la main de cette femme, il se sent la force de tout entreprendre, la volonté de tout conquérir, le courage de tout faire. À peine s'il ose regarder le bas de jambes coquet qu'elle dévoile pour ne pas souiller sa robe au contact de la terre. Pendant qu'il rêve à tout ce qu'il ferait pour posséder cette femme, elle l'arrête au coin d'une rue et lui demande s'il veut monter chez elle. Il détourne la tête, traverse la rue et rentre tout triste chez lui. Je me rappelais cette étude, et moi qui aurais voulu souffrir pour cette femme, je craignais qu'elle ne m'acceptât trop vite et ne me donnât trop promptement un amour que j'eusse voulu payer d'une longue attente ou d'un grand sacrifice. Nous sommes ainsi, nous autres hommes, et il est bien heureux que l'imagination laisse cette poésie au sens et que les désirs du corps fassent cette concession aux rêves de l'âme. Enfin, on m'eût dit « Vous aurez cette femme ce soir et vous serez tué demain. » J'eusse accepté. On m'eût dit « Donnez 10 louis et vous serez son amant. » J'eusse refusé et pleuré comme un enfant qui voit s'évanouir au réveil le château entrevu la nuit. Cependant, je voulais la connaître. C'était un moyen, et même le seul, de savoir à quoi m'en tenir sur son compte. Je dis à mon amie que je tenais à ce qu'elle lui accordât la permission de me présenter. Et je rôdai dans les corridors, me figurant qu'à partir de ce moment, elle allait me voir et que je ne saurais quelle contenance prendre sous son regard. Je tâchai de lier à l'avance les paroles que j'allais lui dire. Quel sublime enfantillage que l'amour! Un instant après, mon ami redescendit. « Elle nous attend, » me dit-il. « Est-elle seule ? » demandai-je. « Avec une autre femme. »« Il n'y a pas d'homme ? » ?»« Non. »« Allons. » Mon ami se dirigea vers la porte du théâtre. « Eh bien, n'est-ce pas par là ? » lui dis-je. « Nous allons acheter des bonbons. Elle m'en a demandé. » Nous entrâmes chez un confiseur du passage de l'Opéra. J'aurais voulu acheter toute la boutique, et je regardais même de quoi l'on pouvait composer le sac quand mon ami demanda « Une livre de raisins glacés. » « Savez-vous si elle les aime ?»« Elle ne mange jamais d'autres bonbons. C'est connu. »« Ah » continua-t-il quand nous fûmes sortis. « Savez-vous à quelle femme je vous présente ?» Ne vous figurez pas que c'est à une duchesse, c'est tout simplement à une femme entretenue. Tout ce qu'il y a de plus entretenu, mon cher. Ne vous gênez donc pas, et dites tout ce qui vous passera par la tête. Bien, bien, balbutiai-je, et je le suivis en me disant que j'allais me guérir de ma passion. Quand j'entrai dans la loge, Marguerite riait aux éclats. J'aurais voulu qu'elle fût triste. Mon ami me présenta. Marguerite me fit une légère inclination de tête et dit « Et mes bonbons ?»« Les voici. » En les prenant, elle me regarda. Je baissai les yeux, je rougis. Elle se pencha à l'oreille de sa voisine, lui dit quelques mots tout bas et toutes deux éclatèrent de rire. Bien certainement, j'étais la cause de cette hilarité. Mon embarras en redoubla. À cette époque, j'avais pour maîtresse une petite bourgeoise, fort tendre et fort sentimentale, dont le sentiment et les lettres mélancoliques me faisaient rire. Je compris le mal que j'avais dû lui faire par celui que j'éprouvais, et pendant 5 minutes, je l'aimais comme jamais on aima une femme. Marguerite mangeait ses raisins sans plus s'occuper de moi. Mon interlocuteur ne voulut pas me laisser dans cette position ridicule. « Marguerite, » fit-il, « il ne faut pas vous étonner si Monsieur Duval ne vous dit rien. Vous le bouleversez tellement qu'il ne trouve pas un mot. Je crois plutôt que Monsieur vous a accompagné ici parce que cela vous ennuyait d'y venir seul. Si cela était vrai, dis-je à mon tour, je n'aurais pas prié Ernest de vous demander la permission de me présenter. Ce n'était peut-être qu'un moyen de retarder le moment fatal. Pour peu que l'on ait vécu avec des filles du genre de Marguerite, on sait le plaisir qu'elles prennent à faire de l'esprit à faux et à taquiner les gens qu'elles voient pour la première fois. C'est sans doute une revanche des humiliations qu'elles sont souvent forcées de subir de la part de ceux qu'elles voient tous les jours. Aussi, faut-il pour leur répondre, une certaine habitude de leur monde, habitude que je n'avais pas. Puis, l'idée que je m'étais faite de Marguerite m'exagéra sa plaisanterie. Rien ne m'était indifférent de la part de cette femme. Aussi, je me levai en lui disant, avec une altération de la voix qu'il me fut difficile de cacher complètement, « Si c'est là ce que vous pensez de moi, madame, il ne me reste plus qu'à vous demander pardon de mon indiscrétion et à prendre congé de vous en vous assurant qu'elle ne se renouvellera pas. » Là-dessus, je saluai et je sortis. À peine eussé-je fermé la porte que j'entendis un troisième éclat de rire. J'aurais bien voulu que quelqu'un me coudoyât en ce moment. Je retournai à ma stalle. On frappa le lever de la toile. Ernest revint près de moi. « Comme vous y allez !» me dit-il en s'asseyant. « Elle vous croit fou ?» Qu'a dit Marguerite quand j'ai été partie ? Elle a ri et m'a assuré qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi drôle que vous. Mais il ne faut pas vous tenir pour battu. Seulement, ne faites pas à ces filles-là l'honneur de les prendre au sérieux. Elles ne savent pas ce que c'est que l'élégance et la politesse. C'est comme les chiens auxquels on met des parfums. Ils trouvent que cela sent mauvais et vont se rouler dans le ruisseau. Après tout, que m'importe ? Dis-je en essayant de prendre un ton dégagé. Je ne reverrai jamais cette femme. Et si elle me plaisait avant que je la connusse, c'est bien changé maintenant que je la connais. Bah, je ne désespère pas de vous voir un jour dans le fond de sa loge et d'entendre dire que vous vous ruinez pour elle. Du reste, vous aurez raison, elle est mal élevée, mais c'est une jolie maîtresse à avoir. Heureusement, on leva le rideau et mon ami se tut. Vous dire ce que l'on jouait me serait impossible. Tout ce que je me rappelle, c'est que de temps en temps, je levais les yeux sur la loge que j'avais si brusquement quittée, et que des figures de visiteurs nouveaux s'y succédaient à chaque instant. Cependant, j'étais loin de ne plus penser à Marguerite. Un autre sentiment s'emparait de moi. Il me semblait que j'avais son insulte et mon ridicule à faire oublier. Je me disais que, dussé-je y dépenser ce que je possédais, j'aurais cette fille, et prendrais de droit la place que j'avais abandonnée si vite. Avant que le spectacle fût terminé, Marguerite et son amie quittèrent leur loge. Malgré moi, je quittai ma stalle. « Vous vous en allez ?» me dit Ernest. « Oui. Pourquoi ?» En ce moment, il s'aperçut que la loge était vide. « Allez, allez, » dit-il, « et bonne chance, ou plutôt, meilleure chance. » Je sortis. J'entendis dans l'escalier des frôlements de robes et des bruits de voix. Je me mis à l'écart, et je vis passer sans être vu les deux femmes et les deux jeunes gens qui les accompagnaient. Sous le péristyle du théâtre se présenta à elle un petit domestique. « Va dire au cocher d'attendre à la porte du café anglais, » dit Marguerite. « Nous irons à pied jusque-là. » Quelques minutes après, en rôdant sur le boulevard, je vis à une fenêtre d'un des grands cabinets du restaurant, Marguerite appuyée sur le balcon, effeuillant, un à un, les camélias de son bouquet. Un des deux hommes était penché sur son épaule et lui parlait tout bas. J'allais m'installer à la Maison d'Or, dans les salons du premier étage, et je ne perdis pas de vue la fenêtre en question. À 1 heure du matin, Marguerite remontait dans sa voiture avec ses 3 amis. Je pris un cabriolet et je la suivis. La voiture s'arrêta, rue d'Antin numéro 9. Marguerite en descendit et rentra seule chez elle. C'était sans doute un hasard, mais ce hasard me rendit bien heureux. À partir de ce jour, je rencontrai souvent Marguerite au spectacle, aux Champs-Élysées. Toujours même gaieté chez elle. Toujours même émotion chez moi. 15 jours se passèrent cependant sans que je la revisse nulle part. Je me trouvais avec Gaston à qui je demandais de ses nouvelles. « La pauvre fille est bien malade, » me répondit-il. « Qu'a-t-elle donc ?»« Elle a qu'elle est poitrinaire, et que comme elle a fait une vie qui n'est pas destinée à la guérir, elle est dans son lit et qu'elle se meurt. » Le cœur est étrange. Je fus presque content de cette maladie. J'allais tous les jours savoir des nouvelles de la malade, sans cependant m'inscrire ni laisser ma carte. J'appris ainsi sa convalescence et son départ pour Bagnères. Puis, le temps s'écoula. L'impression, sinon le souvenir, parut s'effacer peu à peu de mon esprit. Je voyageais. Des liaisons, des habitudes, des travaux prirent la place de cette pensée. Et lorsque je songeais à cette première aventure, je ne voulais voir ici qu'une de ces passions comme on en a lorsqu'on est tout jeune et dont on rit peu de temps après. Du reste, il n'y aurait pas eu de mérite à triompher de ce souvenir, car j'avais perdu Marguerite de vue depuis son départ, et comme je vous l'ai dit, quand elle passa près de moi dans le corridor des variétés, je ne la reconnus pas. Elle était voilée, il est vrai, mais si voilée qu'elle eût été 2 ans plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de la voir pour la reconnaître. Je l'aurais devinée. Ce qui n'empêcha pas mon cœur de battre quand je sus que c'était elle. Et les 2 années passées sans la voir, et les résultats que cette séparation avait paru amener, s'évanouir dans la même fumée, au seul toucher de sa robe.